qui rend accro. Même les plus bigots, même les plus cathos. J'ai la mélancolo, celle des toxicos qui font froid dans le dos, si blanc comme l'héros. Je suis mélancolo comme de ton mécano. Travailler du chapeau, c'est aussi du boulot. Mélancolo, mélancolia, va voir là-haut si j'y suis pas. Mélancolo, mélancolia, mets ton chapeau, sors de chez moi. Y'a pas trop d'hôpitaux pour la mélancolo, à part chez les dingos qui n'ont plus de cerveau. D'être mélancolo, ne m'en veuillez pas trop. Ma tête sur le billot, ce n'est pas ce qu'il faut. Soyez pas le bourreau de ma mélancolo. Des fois elle me tient chaud comme un épais manteau. Mélancolo, mélancolia, va voir là-haut si j'y suis pas. Mélancolo, mélancolia, mets ton chapeau, sors de chez moi. Mélancolo, mélancolia, va voir là-haut si j'y suis pas. Mélancolo, mélancolia, mets ton chapeau, sors de chez moi.